Et on va continuer ensemble l'étude de Matthieu, chapitre 5 jusqu'à 7, qui est un ensemble. Et c'est un passage qu'on appelle habituellement le sermon sur la montagne. Et nous allons, je l'ai intitulé, moi, l'édit du roi. Le roi va prononcer comment les choses vont se passer, comment les choses vont aller, comment les choses vont fonctionner dans le royaume des cieux. Et on a vu ensemble que le royaume des cieux, ce n'est pas premièrement une place, c'est une personne qui règne. Un royaume, c'est un roi qui a des sujets. Donc, c'est un royaume. Nous, souvent, dans notre tête, un royaume, on voit un château, comme dans les contes de fées, à quelque part. Mais ce n'est pas ça, un royaume. Un royaume, c'est un roi avec un peuple. Et qu'il soit n'importe où, c'est un roi avec un peuple. Et quand on voit ensemble dans l'Épître, dans l'Évangile de Matthieu, 25, peut-être 50 fois en tout, de différents synonymes, qui parlent du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il est en train de parler, Dieu veut régner. Dieu veut régner sur la race humaine. Et on sait que ce n'est pas le cas dans le monde aujourd'hui. On peut toujours dire que Dieu règne sur le monde, mais Dieu ne règne pas sur le cœur des gens. Les gens ont rejeté Dieu. Et ce n'est pas à cause que Dieu fait ce qu'il veut qu'il règne, parce que le royaume dans lequel il veut vivre maintenant, il veut avoir un peuple qui se soumette à son règne, et non pas lui régner sur un peuple malgré qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Dieu dirige le monde dans lequel on vit, mais le monde ne veut pas que Dieu le dirige. Mais dans le royaume des cieux, ceux qui rentrent dans le royaume des cieux, ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu, le font parce qu'ils veulent que Dieu règne sur eux. C'est pas mal différent comme approche. Et Jésus, s'il va dire au peuple d'Israël, va dire aux gens qui sont assis là devant lui, à qui il va s'adresser, cette foule immense, comment les choses vont se passer dans le royaume des cieux. On a vu ensemble que dans le royaume des cieux, il va y avoir une nouvelle façon d'être heureux. Le mot heureux veut dire béni. Les bénis, ce n'est pas ceux qui sont des performants ou des gens qui sont des gens bonnes personnes, mais c'est des gens humbles. Heureux les pauvres en esprit. Les gens humbles, ceux qui sont humbles vont entrer parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ils mendient à Dieu le droit d'entrer. Et Dieu les laisse entrer. On a vu ensemble, dans le royaume des cieux, il va y avoir une nouvelle façon de vivre. Dans le monde, la façon de vivre, c'est on veut être glorifié, on vit pour soi. Chacun, le vieux dicton qui dit, chacun vit pour soi-même. Hein? On fait toutes choses pour nous-mêmes. On pense à nous. Quand le gouvernement fait quelque chose qui ne nous rapporte pas, on chiale. Quand ça nous rapporte, on est content. On vit pour nous. On vit pour nous. Il dit, dans le royaume des cieux maintenant, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Le ciel et la lumière vont être un moyen par lequel Dieu va être glorifié. Il dit, vous êtes le ciel, vous êtes la lumière, faites des choses pour que Dieu soit glorifié. Dans le royaume des cieux, les gens vivent pour glorifier Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, allez lire l'Apocalypse, et en lisant l'Apocalypse, vous allez voir que dans le ciel, il y a juste une chose qui se passe. Juste une chose. Dieu n'est pas en train de servir les gens dans le ciel. Une image, parce que Dieu n'a pas de corps. Dieu, c'est drôle, c'est dur pour nous autres d'essayer de mettre... On essaie toujours de mettre Dieu à quelque part. Puis Dieu, il est partout. C'est dur pour nous autres de dire, d'emmener Dieu à quelque part. On essaie toujours de le mettre ça à quelque part, mais on ne peut pas. Dieu dit, je remplis les cieux de la terre. Dieu ne se déplace pas. Même si dans la Bible, on dit que Dieu descend sur la terre, Dieu va quelque part. Dieu ne se déplace pas. Il ne peut pas se déplacer. Il est déjà là-bas. Pour nous autres, c'est comme un petit peu... Hein. Dieu est assis sur un gros trône dans l'Apocalypse. Et tous les gens qui sont dans le ciel, si on peut dire ça comme ça, ont les yeux braqués sur le trône. Et tout le monde adore, tout le monde sert ce personnage-là. C'est pour ça qu'on voit des gens qui prennent des couronnes puis qui tirent ça à Dieu. Puis, on a toutes sortes d'affaires qui se passent. Et tout le monde a les regards vers Dieu, vers Jésus-Christ, qui est assis sur le même trône. Et ils adorent et ils chantent des louanges à ce Dieu-là pour l'éternité. C'est ça qu'on fait maintenant, c'est ça qu'on va faire aussi dans l'éternité. Une nouvelle façon, une nouvelle raison de vivre. Ensuite, on a vu une nouvelle façon d'interpréter la loi. Donc, dans la loi des Juifs, c'était interpréter la loi. Ils disaient œil pour œil. C'est ce qu'ils disaient les Juifs. Moi, il n'était pas juif, il devait être Québécois. Il devait être Québécois. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as donné une claque, m'a t'en donné un. Tu m'as volé 5 piastres, m'a t'en emmené en cours, tu vas me le remettre avec intérêt. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça qu'on fait. Les êtres humains font ça. Mais dans le royaume des cieux, c'est pas pareil. Si tu aimes ton ennemi, tu fais du bien à celui qui te persécute, tu donnes à celui qui veut te voler. Tu fais comme Dieu. Dieu fait du bien à ses ennemis. Toi, tu vas faire du bien à tes ennemis aussi. C'est comme ça que ça va se passer dans le royaume des cieux. Oh. Nouvelle façon d'interpréter la loi. Il dit, vous autres, dans la loi des hommes, dans les religions humaines, c'est l'apparence qui compte. C'est ce que les gens voient qui compte. Dieu a dit ça d'autrement. Il dit, vous autres, vous regardez à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Jésus a dit la semaine passée, il dit, moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans votre cœur. Ce que vous faites à l'extérieur, je m'en fous. Ce qui est important pour moi, c'est ce que vous faites dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'il va reprendre si sévèrement le peuple de Dieu. Il se peut m'honore d'élève extérieur, mais son cœur est loin, loin de moi. Et Dieu n'accepte pas ça. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, pour être certain qu'il va se passer ce qu'il veut qu'il se passe, il change le cœur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Donc, il ne change pas l'extérieur. Il dit, je viens et je change ton cœur. J'enlève ton cœur de pierre et je vais te mettre un cœur qui va me servir, qui va m'aimer. C'est ça qu'il change le cœur. Il dit, dans un nouveau ciel, une nouvelle terre, ou dans le nouveau royaume des cieux, je veux dire, excusez. Il dit, ce qui va être important, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que dans les épîtres, il n'y a rien ou presque rien qui s'adresse à l'extérieur. Ça s'adresse toujours au cœur. Les apôtres se foutent de comment tu t'habilles. Ils se foutent de tout ce que tu fais extérieurement. Ils te parlent toujours à ton cœur. Parce que c'est ça qui est important dans le royaume des cieux, c'est le cœur des gens. Et ce matin, on va commencer une nouvelle façon de pratiquer la loi ou d'interpréter la loi. La semaine passée, on a vu l'interprétation de la loi. Vous autres, vous avez vu que si vous étiez correct à l'extérieur, hein, c'est correct. Moi, je vous dis non, c'est à l'intérieur qui est important. Maintenant, on va voir une autre approche dans le royaume des cieux. C'est la façon de pratiquer la loi est différente que ce que vous faites maintenant. Chapitre 6 dans Matthieu. Il va parler de pratiquer la loi pour être vu de Dieu et non pas des hommes. Combien de choses cette semaine avez-vous fait pour être vu des gens? Dites-moi le pas là, regardez ça pour vous. Je ne vous dirai pas les miens non plus. Mais combien de choses vous avez faites pour épater votre femme, pour épater votre conjoint? Combien de choses vous avez faites pour votre patron, parce que c'est votre patron? Et combien de choses vous avez faites à cause de ce que les gens pensent autour de vous? Moi, les gens qui me disent que je me fous ce qu'ils pensent, le monde de moi, là, je me dis tout le temps, c'est les pires, ça. C'est les pires, ceux-là. C'est les pires. C'est eux autres qui sont les plus pognés avec ça. On est pognés avec ce que les gens pensent de nous, n'est-ce pas? On est-tu pognés avec ça? Moi, j'ai été élevé comme ça. Excusez-vous que je dise, ma mère m'a élevé comme ça, mon père aussi. J'ai entendu toute ma vie, tout petit, je me souviens, qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins? Vous avez entendu ça? Vos parents, as-tu déjà dit ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les voisins? Ma mère ne disait pas qu'est-ce que Dieu va dire, elle disait qu'est-ce que les voisins vont dire de la façon que vous agissez. Moi, j'étais, je trouvais ma mère folle, ben raide, de dire des affaires de même. Quand j'ai eu mes enfants, vous avez, n'oubliez pas, vous êtes des enfants de pasteur. Mais vous aussi stupide, aussi niaiseux que moi. Qu'est-ce que les gens pensent de nous? C'est donc fort en nous, ça. C'est donc, c'est pogné dans la peau. C'est pogné dans la peau. Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Ils nous aiment-tu ou ils nous aiment pas? Ils nous apprécient-tu ou ils nous apprécient pas? Et sont-tu contents de ce qu'on fait ou sont pas contents de ce qu'on fait? Et ça, ça se reflète dans la pratique religieuse des gens de ce temps-là. Et Jésus le sait très bien. Mais il dit, dans le royaume des cieux, les choses doivent être faites pour Dieu seul, pour être vues de Dieu seul. Dans le royaume des cieux, les gens vont se fouter de ce que les gens pensent, puis vont juste s'intéresser à ce que Dieu pense. Ça, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Je l'ai déjà dit une fois dans le passé, quand on vient pour faire une décision, souvent, la première question qu'on pose, malheureusement, c'est « Comment ça coûte? » Au lieu de se poser la question « Est-ce que Dieu veut? » On se pose la question « Comment ça coûte? » « Oh, je ferais bien ça si ça ne coûterait pas si cher! »« Oh, je ne fais pas ça parce que ça coûte trop cher! » C'est ça qui est notre barème. L'argent décide si on fait quelque chose ou si on ne le fait pas. C'est pas mal de se poser la question si on a l'argent de faire d'accord. C'est pas mal. Mais c'est pas ça qui devrait décider si on le fait ou si on le fait pas. C'est est-ce que Dieu veut ou si Dieu veut pas, point. Si Dieu veut pas, mais si j'ai l'argent, je le fais pas. Si Dieu veut, puis j'ai pas l'argent, je vais le ramasser pour le faire. C'est pas l'argent qui devrait décider qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Ça devrait se poser à Dieu qui décide ce qu'on va faire dans la vie. La première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi que je fasse aujourd'hui? Comment ça coûte, c'est bien secondaire. Et surtout, ce qu'on va voir ce matin, c'est que Jésus va en parler quasiment pendant tout un chapitre, hein, tout un chapitre 6. Hein. Verset 1, il dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc ça, c'est le thème quasiment de tout un chapitre. Hein. Gardez-vous de pratiquer ce que vous faites pour être vu des hommes. Puis il va sortir 3-4 domaines qui est le plus évident pour les Juifs et qui devient aussi le plus évident pour les gens religieux. C'est que Jésus sait que les gens pratiquent leur foi ou leur religion pour être vus. Donc il interpelle ça, il va parler de cela. Puis là, il va sortir trois choses dedans que les gens font pour être vus. Donc, il ne parlera pas des choses qu'ils vont faire dans le secret, parce que c'est pas ça qu'il s'adresse. Il s'adresse à ce que les Juifs avaient l'habitude de faire pour que les gens les regardent faire. Première chose qu'il parle, c'est les aumônes, l'argent. Ah, l'argent, hein, l'argent. Mon ami, on est pogné. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites devant les synagogues et devant les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, on avait commencé un petit peu à la voir la semaine passée, ce petit bout-là. Jésus a dit, il y a deux solutions. Il y a deux choses. Quand tu fais quelque chose, il y a une de deux qui va arriver. Un, les hommes vont faire de quoi? Deux, Dieu va faire de quoi? Il dit, tu dois décider, toi, qui est-ce que tu veux qui t'applaudisse? Veux-tu être applaudi par les hommes ou si tu veux être applaudi par Dieu? Décide toi-même. Prends ton choix, mon vieux. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Il dit, si tu le fais pour être vu des hommes, ils vont t'applaudir et tu as eu ta récompense, voilà, c'est fini. Mais il dit, si tu le fais pour Dieu, a, Dieu aussi va te le rendre. Dieu va te récompenser pour ça. Attention, par le mot récompenser, là, il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Quand il va le dire à quelques reprises, il va le dire là, il va dire prière, il va le dire aussi pour le jeûne, hein? Puis il va le dire aussi pour l'inquiétude. Hein? Quand Dieu dit qu'il va nous le rendre, il n'est pas en train de nous donner un collant à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien. Hein? Quand on était jeune, avez-vous ça? Ceux qui ont de mon âge, on a eu ça à l'école. Hein? On faisait nos exercices, puis là, la maîtresse, elle mettait un petit collant. Une étoile, ou un, si on était super correct, c'était un petit ange. Vous avez eu ça, hein? Toutes sortes de petites, toutes sortes de petites affaires. Ceux qui sont de mon âge, les autres, on a oublié ça, vous n'avez pas connu ça. Mais nous, de notre âge, on a connu ça. Dieu est en train de dire ici, François, là, si un dimanche, là, le dimanche du 13, là, si tu as donné ton offrande sans vouloir être vu par les hommes, je t'ai donné un petit collet un matin. Ah! Avez-vous eu votre collet un matin? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire ici, si tu fais ça, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Si tu ne fais pas ça, tu ne rentres pas dans le royaume des cieux. Il n'est pas en train de lui dire, si tu fais ça, je vais te donner un collet dans le royaume des cieux. Tu vas juste rentrer dans le royaume des cieux. Si tu décides que tu vas vivre ta foi pour moi, tu vas rentrer dans le royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle la repentance, tout simplement. Tu ne le fais pas pour être vu des hommes, tu le fais pour être vu de Dieu. C'est ce que tu veux savoir, c'est ce que tu veux vivre. Et ça va, et vous savez comme moi, si c'est la raison fondamentale qu'on met notre offrande dans le panier, c'est la même raison qu'on se lève le matin, c'est la même raison qu'on fait le restant. Là. Hein? Il y a plus juste trois exemples. Mais ce qu'il est en train de dire, il dit, si tu fais ta vie pour moi, si tu veux vivre pour moi, la priorité pour toi, c'est ce que je pense, tu vas rentrer dans le royaume avec moi. Comme le larron va dire à la fin, souviens-toi de moi, que tu vas venir à ton règne. Tu vas être avec moi dans mon règne, tu vas être avec moi dans le paradis à soi. Le gars, c'est un foutu bandit, un tueur, un meurtrier. Et juste parce qu'il dit, souviens-toi de moi, Jésus dit, tu vas être dans le ciel avec moi aujourd'hui. Wow! Tout un collet. Hein? Il n'avait rien fait, lui-là. Juste dit, souviens-toi de moi. Est-ce que tu viens dans ton règne? Il y a eu un gros collin. Un gros collin. Tu vas rentrer dans le paradis avec moi ce soir. Puis tu vas avoir un plus gros collin que ça. Mais non. Ensuite, il va parler de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les cieux, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Et donc, il avait le même problème avec la prière. Les Juifs avaient un problème avec le fait de donner. Ils voulaient que tout le monde sache qu'ils donnaient. Les Juifs voulaient aussi que les gens les voient prier. Avez-vous déjà fait ça? Vous êtes dans une réunion de prière et pendant que l'autre prie, vous pensez à la prière que vous allez faire. Vous n'avez jamais fait ça, je suis certain. Mais moi, je l'ai déjà fait en masse. Hein. J'étais plus intéressé à savoir ce que les gens penseraient de ma prière qu'à celui à qui je priais. J'ai connu un homme qui priait seulement à l'église. Je ne priais pas. bizarre. Priez pour être vu des hommes, pour être entendu des hommes. Pourquoi est-ce que les hommes feraient bien affaire de même? J'ai été élevé dans une région comme ça. Où est-ce qu'on avait des statues d'or, puis on allait tous se mettre à genoux d'or devant les statues pour que tout le monde nous voie prier. Jésus dit ici, quand tu pries, il faut que tu pries toujours comme si tu étais tout seul dans une pièce avec moi. Rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle-moi. Parle-moi. Quand tu pries, c'est comme, même si tu es dans une foule, il faut que tu pries juste parce que tu veux que moi je t'entende. Moi je t'entends. C'est pas ce que les hommes pensent qui est important. Si tu t'adresses aux hommes, moi je me souviens d'avoir parlé avec un frère une fois qui m'avait dit qu'il priait devant les hommes parce qu'il dit, il me semble que j'ai plus de réponses quand je prie devant les gens que quand je prie tout seul. Savez-vous pourquoi? C'est les hommes qui répondaient. Les hommes qui répondaient. Vous avez déjà remarqué aussi que des fois on fait des prières, puis on est en train de raconter à Dieu ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas à Dieu qu'on le raconte. Dieu sait déjà ce qu'on a fait. On le raconte aux yeux qui nous écoutent. On dit qu'on est allé témoigner à quelqu'un, puis on en parle pendant 10 minutes parce qu'on veut que tout le monde sache ce qu'on a fait. Parce que Dieu sait déjà ce qu'on a fait. Pourquoi qu'on dit ce qu'on veut que tout le monde sache ce qu'on a fait? C'est pogné en nous, c'est dans la chair. On essaie de s'en débarrasser, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On veut être vu des hommes. C'est le péché qui est comme ça. Le péché, c'est sa nourriture. Le péché, si vous dites que vous êtes encore des pécheurs, comme moi je dis encore, je suis encore un pécheur, on se bat avec ça, on se lutte avec ça. On lutte avec ça. On est à genoux en train de prier, puis on est encore en train de lutter avec ça. Avez-vous déjà commencé à prier? Vous priez. Vous êtes seul, même dans votre chambre, vous priez. Du coup, waouh, vous êtes rendu à quelque part d'autre. Ça vous déjà fait ça? Waouh, là, on t'est rendu, je ne sais pas où, là, tout d'un coup, tu reviens à ta place, tu t'es rendu ailleurs. Tu pensais à autre chose, puis tu as écouté ta partie. On est humain. On est pécheurs. Jésus dit ici, quand tu t'arrêtes et que tu pries, si tu pries pour Dieu, ça va faire certaines choses. Si tu pries pour être entendu de Dieu, ça va changer des choses. Si tu pries pour être vu des hommes, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'il dit, tu vas prier, tu vas te mettre à la vue de tout le monde et tu vas dire des belles paroles, des belles phrases et tu vas en dire longtemps. Oui. Longtemps, tu vas en dire longtemps, tu vas des longues prières. Moi, je me souviens d'une sœur qui était avec Trévis, ça fait plein des années, tout ça. Et on avait des petits groupes de prières, puis elle priait jamais, Elle ne jamais un mot, elle écoutait les autres, priait. Puis elle m'avait dit une fois, je prie pas parce que je suis pas capable de faire des belles prières comme vous autres. Mais chez toi, j'ai dit, tu pries-tu? Oui, oui, chez moi, je prie Dieu. Voyez-vous qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Elle est en train de me dire beaucoup, là. Elle s'arrêtait à ce que les gens vont penser. Elle était comme submergée, je pourrais dire, parce que les gens étaient autour d'eux autres. Et elle n'était pas capable de faire, on pourrait dire, le vide, puis de s'adresser à Dieu, tant qu'elle priait. Faites des longues prières. Jésus dit, faites-vous dans le grec, qu'est-ce que ça dit? Ne faites pas du blablabla, blablabla, blablabla. Bla. C'est ça que tu dis dans le grec. Il dit, si vous priez et que vous adressez à moi, ça va paraître dans votre longueur de prière. Ça va paraître dans ce que vous allez dire. Si vous adressez à moi, on va voir la différence tout de suite. Il dit, parce que quand vous adressez à moi, vous n'avez pas besoin d'être long. Je sais déjà ce que vous allez dire. Je sais déjà ce que vous avez besoin. Pas besoin d'en dire 25 phrases. Je le sais. Je le sais. Ce que tu veux. Je sais ce que tu as besoin. Pourquoi t'en dis si long? Des fois, on dit ça à des personnes qui ont blablabla. Faites une réponse courte, là. Faites une réponse courte, s'il vous plaît. Vous n'êtes jamais fait dire ça. Moi, je me suis fait dire ça souvent. François, une phrase courte, s'il vous plaît. Une phrase courte. Mais dis, quand tu me pries, moi, tu n'as pas besoin d'être long. Tu n'as pas besoin d'être compliqué. Juste une petite parole courte. Je sais ce que tu as besoin et je vais te le donner. C'est pas... Puis, vous remarquez qu'est-ce qu'il dit dans Notre Père? Vous remarquez Notre Père? 98% du Notre Père, tu pries pour la foutue gloire de Dieu. Tu pries pour toi. Quand tu t'adresses à Dieu et tu pries, tu me pries moi, dit-il. Le contenu va changer. Tu pries pas pour toi, tu pries pour moi. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta gloire apparaisse. Je prie pour toi. Pardonne-moi toutes les gaffes que j'ai faites contre toi. Tu pries pour Dieu. Tu t'adresses à lui. Mais quand on prie pour nous, pour être entendu des hommes, donne-moi mon char, donne-moi ma santé, donne-moi ma Cadillac, donne-moi ma maison, donne-moi ma job, donne-moi ici, donne-moi ça, donne-moi ici. Tu pries pour toi et tu veux être entendu des hommes. C'est ce qu'on fait. Mais il dit, quand tu pries, tu t'adresses à moi, tu vas voir, tu vas changer le contenu de ta prière, tu vas t'adresser, tu vas te soucier de moi. Que ta gloire vienne, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, c'est ça que je veux. Mais vous savez, c'est pas toujours ça qu'on fait, n'est-ce pas? Mais il dit, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, les gens qui prient sont soucieux de Dieu et non pas d'eux. Ils sont soucieux de Dieu et non pas d'eux. Toutes les religions du monde vont prier les mêmes prières. Écoutez un petit peu les programmes religieux à la télévision, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, que ce soit toutes sortes de mouvements, sont toujours là pour demander à Dieu des choses pour eux. Les mêmes choses. La santé, la prospérité, détruire nos ennemis, donne-nous ici, donne-nous ça, fais-nous gagner ici, fais-nous gagner ça, tous les mouvements religieux, c'est la même affaire. Mais il dit, dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu, dans le peuple de Dieu, les gens vont prier pour moi. C'est ça qui va faire la différence. C'est bizarre, hein? C'est spécial, hein? Comme ce que Jésus dit là. Ça a dû faire renverser les pharisiens à l'envers. On n'avait jamais entendu ça. Il dit, quand vous donnez, donnez pour être vu de Dieu. Quand vous priez, priez pour être entendu par Dieu. Priez pour être entendu par Dieu. Et ça va se manifester dans votre longueur de prière, ça va se manifester dans le contenu de vos prières, ça va se manifester dans le fait que vous êtes intéressé aux choses spirituelles, bien plus qu'aux choses matérielles, parce que Dieu vit dans un monde spirituel. Notre royaume, le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel. John MacArthur, dans un de ses enseignements, disait, Dieu a dit qu'il va nous donner notre pain quotidien. Il dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, tu le demanderas quand le frigidaire est vide. Mais il dit, quand il est plein, arrête de le demander. N'est-ce pas? Ça a du bon sens pour moi, ça? Ça a du bon sens pour moi, ça? Il dit, c'est vrai que Dieu veut pourvoir nos besoins. Mais quand tu n'as pas, tu le demanderas. Il dit, jusqu'à date, tu l'as. Pourquoi tu le demanderas tout le temps? Tu l'as. Tu l'as. Vous êtes tous arrivés ce matin ici et on a tout ce qu'on a besoin chez nous, toute la gang. Vous avez tous mangé avant de venir, en tout cas si vous êtes élevé à cette bonne heure. Vous avez tous mangé avant de venir. Vous allez retourner chez vous, vous allez tout manger. Vous allez coucher dans une maison chaude. Vous avez tout ce que vous avez besoin. On va en parler un peu plus loin. Pourquoi t'inquiètes-tu des choses que tu manges? Il va sortir une troisième chose qui va amener. Au verset 16 jusqu'au verset 18. lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans les cieux, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Encore la même affaire. Hein? Trois choses. Donner, prier, jeûner. C'était la grosse affaire chez les Juifs dans leur pratique religieuse. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein? De façon qu'ils s'habillaient, ils se mettaient de la poudre dans la face blanche pour montrer qu'ils étaient une face de carême, comme on dit en québécois, face de carême, tu as une face blanche, un blême, face de carême. Tu manges pas. Oh, tu es triste, tu marchais après, tu jeûnais. Et tu étais spirituel parce que tu jeûnais. Oh, tu étais un homme spécial, tu jeûnais. Et tu voulais que tout le village le sache. Donc, la façon que tu t'habillais, la façon que tu poudrais, tout le monde le savait. Quel homme spirituel, quel homme religieux. Et Jésus dit, tu as eu ta récompense, ça vaut rien, ça vaut zéro pour le royaume des cieux. Mais il dit, si tu jeûnes pour moi, si tu jeûnes parce que tu veux m'exprimer qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, tu n'as pas besoin de poudre, tu n'as pas besoin de te changer, de t'habiller. Il dit, mais dans ton cœur, si c'est là, moi je le sais, et moi je vais te le rendre. Si tu donnes pour être vu de moi, si tu pries pour être entendu de moi, si tu jeûnes pour ce que moi je le vois, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, il dit, moi je vais te le rendre, et tu vas rentrer dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit ça au début. Ces vérités-là, selon ma compréhension, n'est pas des choses que Jésus nous dit de faire dans le royaume des cieux, mais pour entrer dans le royaume des cieux. Et si ce n'est pas ça ton désir, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Il va le dire un peu plus loin. Il dit, si votre justice est comme les pharisiens, vous n'en rentrerez pas dans le royaume des cieux. Les pharisiens faisaient tout ça. Mais il dit, si vous êtes comme eux autres et vous voulez être vu des hommes, vous ne rentrez jamais dans mon royaume. Puis il va en revenir. Vous allez voir, on a étudié le chapitre 23 de Matthieu, où ce qu'il va les dire pendant une dizaine, une quinzaine de fois, hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite, hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait des choses pour être vu des hommes. Il va le dire, là. On en parlait de ça. Parce que c'était quelque chose qui est entré dans l'être humain. C'est ancré en nous, l'être humain pécheur. L'être humain, dès le paradis, quand on a décidé de tourner le dos à Dieu, on est devenu des hypocrites égocentriques. J'ai une petite fille de 2 ans. Elle est chez nous. Vous savez ce qu'elle veut? Regarde-moi, papy. Je suis le nombril du monde. Regarde-moi. Elle n'est pas vieux, hein? On est 60 ans, on dit encore, regardez-moi. L'être humain comme ça. Regardez-moi. C'est comme ça qu'on est. Jésus dit, tant que ça va être de même, tu ne rentres pas dans le royaume. Mais le jour où tu vas décider que tu vas vivre pour moi, pour être vu de moi, être entendu de moi, les choses, quand tu vas faire, tu vas dire, mais moi, je veux vivre une vie pour la gloire de Dieu, tu vas entrer dans le royaume des cieux. Vas-tu rentrer? Vas-tu rentrer? C'est vraiment spécial, hein? Il n'est pas en train de dire, essaie de mettre ça en pratique, mais tu sois chrétien. Non, je veux que tu désires ça avant de devenir chrétien. Alors, entrez. On entre. Parce que vous vous souvenez, ce sermon-là est adressé, il n'est pas dit un dimanche matin à l'église, à des chrétiens. Il dit à la populace qui était là, qui pratiquait ces choses-là, qui voulait être vu par les hommes, qui voulait être entendu par les hommes, qui priait pour que les hommes les applaudissent, qui jeûnait, c'était leur pratique de vie. Et Jésus leur dit, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux comme ça. Et c'est pour ça que Pierre va dire un peu plus loin. Mais si on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, si les riches ne peuvent pas être sauvés, qui va l'être? Pierre, il ne comprend pas encore. Un peu plus loin qu'il va comprendre. Il ne comprend pas encore. Il ne comprend pas encore. Ça n'a pas d'importance. Parce que lui, tout avait été élevé pas les Juifs. Il est tout un pécheur comme nous. Je crois que Jésus tentait de dire ici, vous devez décider de vivre pour moi. Vivre pour moi. Et à partir du verset 19 jusqu'au verset 36, il va parler de l'inquiétude. Vous inquiétez jamais, vous autres, hein? Non, vous inquiétez jamais. Moi, non. On s'inquiète, l'être humain est comme ça. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. L'inquiétude. L'inquiétude se manifeste par le fait que l'homme veut amasser des trésors. Amasser des trésors. Le mot amasser, là, c'est tu piles ton superflu. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est ça, c'est ça que ça veut dire. Un trésor, tu n'auras pas de trésor si tu n'as pas de superflu. Tu es d'accord avec moi? Quand les pirates enterraient le trésor, c'est parce qu'ils n'avaient pas besoin tout de suite, ils l'enterraient. Ils n'avaient pas besoin tout de suite. C'est facile à comprendre. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Donc, tout est détruit. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand c'est terminé pour vous, ben, ces affaires-là vont toutes se défaire. Les maisons qui étaient là il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, en général, ne sont plus là. En tout cas, vous êtes plus là. Il dit, pourquoi vous amassez tant de trésors? Parce qu'il dit, ça manifeste l'inquiétude que vous avez face à l'avenir. Puis il dit, ça va aller plus loin que ça, parce qu'il va ramener, on va voir, on s'en aller la semaine prochaine. C'est parce qu'il dit, vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Si vous me feriez confiance, vous ne vous inquiéterez pas. Et si vous ne vous inquiéterez pas, vous ne passerez pas votre temps à vous accumuler des trésors. Je vais déjà raconter l'histoire dans le temps de la guerre avec les orphelins. Les orphelins qui avaient faim, les papiers, puis de parents. Même une gang d'enfants de 5 à 10 ans, la ville de Mont-Tremblant, puis de parents, ça fait dur en la vite. Et il y avait vraiment des problèmes de nutrition, de maladies, des problèmes. Et à un moment donné, quand la guerre était finie, la Croix-Rouge a commencé à ramasser ces enfants-là et les amener dans des centres pour les orphelins. Ils se sont aperçus que les enfants avaient bien la misère à dormir. Hein. Puis souvent, ils pleuraient sur leur oreiller, ils pleuraient. Et ils se sont rendus compte, c'est qu'est-ce qu'ils avaient peur, que le lendemain, ils n'auraient rien à manger. C'était leur vécu. Parce qu'on a fait, on leur a mis un petit sac avec de la nourriture dedans, en dessous de l'oreiller. Et les enfants dormaient. Les enfants. Ils devaient dormir. Du coup, ils savaient qu'il y avait quelque chose dedans, même. Ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter, il y en avait en dessous de l'oreiller. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être intelligent et sage pour prévoir pour l'avenir. Non. Et Jésus va nous enseigner la semaine prochaine qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut avoir, dans le royaume des cieux, il faut avoir une autre sorte d'inquiétude. Il faut s'inquiéter du trésor céleste et non pas des trésors terrestres. Jésus ne veut pas en train de nous dire, « Ah, ben là, je veux que vous viviez tout comme des moines, avec rien. » puis que vous promeniez avec une tasse, puis vous mendiez sur la rue à tout le monde. C'est pas ça qu'on est en train de vouloir parler, c'est là. Mais il dit que dans le royaume des cieux, on va avoir une autre forme d'inquiétude. On va se ramasser des trésors dans le ciel. On va voir ça la semaine prochaine. Notre Père du ciel, tu es un grand Dieu. Juste par le fait de te voir ce matin dans la personne de Jésus, et tu es sur la montagne, et tu appelles ces hommes et ces femmes à se tourner vers toi. Tu les appelles à vivre pour toi. Tu les appelles à se consacrer à toi. Tu les appelles à faire toutes choses pour toi. Comme tu appelles le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui aussi. Seigneur, nous savons que la chair ne peut pas et ne veut pas faire ces choses-là. La chair veut être vue, veut être entendue, veut être glorifiée par les hommes. Et nous savons que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour faire ça. Nous savons que sans ton aide, nous ne pouvons rien faire. Sans ton aide, nous ne pouvons pas vivre comme ça. C'est impossible. On te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider. Quand nous parlons de toi, quand nous prêchons ta bonne parole, qu'on mentionne ces choses-là aux gens. Qu'on leur dise, est-ce que tu veux te repentir, te tourner vers Dieu et le servir? Est-ce que tu veux te repentir et vivre pour Dieu? Est-ce que tu veux t'intéresser au royaume de Dieu? Est-ce que tu veux t'intéresser à la gloire de Dieu et à la gloire de son Fils? Est-ce que tu veux vivre pour eux? Père éternel, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes. Utilise-nous et glorifie-toi en nous et par nous. Au nom de Jésus. Amen. On va se lever, on va chanter le dernier cantique, s'il vous plaît bien.